L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a présenté dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, que les jeunes soient les combattants d'avant-garde infiniment fidèles à l'œuvre de la révolution du Sun Gun du parti.